Et je précise qu'il n'y a pas de mal là, mais bab al-takrib, lorsqu'on cite le nom des anbiya, des prophètes nommés dans les livres, des gens du livre, c'est pour que les gens sachent de qui on parle. Car des fois, les gens s'imaginent que c'est un autre prophète, alors qu'ils sont exactement les mêmes. Cependant, dans la Bible, ils ont déformé leurs histoires, et ils ont rabaissé, ils leur ont donné des attributs dont les prophètes sont, yani, dont il est indigne d'oser décrire les prophètes comme étant des gens qui agissent de la sorte. Différents exemples dans la Bible donnés, où il parle de prophètes et de messagers de façon rabaissante. Allah al-Musta'an. Et là, quand je les nomme par ces noms-là, c'est juste pour que les gens arrivent à repérer. Sans quoi, leurs noms sont ceux que Allah azawajal a mis dans le Coran. Et également, ces noms-là que l'on cite actuellement ne sont pas une traduction de leurs noms. Car le sens de ces noms-là, on ne les connaît pas. Ils ont un sens. D'accord ? Ils ont un sens, mais dans leur langue, mais nous, on ne les connaît pas. Par exemple, Daoud, il l'appelle David. Que veut dire Daoud dans la langue de son peuple ? Allahu a'lam. Je ne connais pas de dalil qui explique le nom de ce prophète. Mais ce nom a forcément un sens. D'accord ? Et on ne traduit pas le sens des noms propres. Ça, c'est une chose qui n'existe pas. Ni chez les musulmans et ni chez les mécréants. C'est une chose que les gens ne font pas. Ils ne traduisent pas les noms propres. Où que tu ailles dans le monde, ton prénom reste ton prénom pour les gens. Ils ne traduisent pas ton prénom. Donc là, mais maintenant, quand les musulmans parlent entre eux, ils les nomment comme dans le Coran c'est venu. Maintenant, demain, tu parles avec un mécréant, un chrétien ou un juif, par exemple. Là, ben, ce que tu lui dis, par exemple, tu lui dis Ayoub, c'est qui Ayoub ? Tu lui dis, dans votre livre, celui que vous appelez de la sorte Job, par exemple. En plus, que l'islam n'a détenu avec rien de nouveau, il n'y a aucune nouveauté. Il n'y a aucune nouveauté en islam. La nouveauté qu'il aurait, c'est que la vérité a été dévoilée pour ceux qui ne la connaissaient pas. Donc pour eux, ça va être nouveau. Mais sinon, la religion, l'histoire des prophètes et des anbiya, des messagers, sont exactement les mêmes. Ce sont exactement les mêmes. Moi-même, quand je me suis converti à l'islam, au début, j'ai lu dans certains livres, et je fus surpris de trouver ce que je connaissais auparavant, dans ce que j'avais appris au catéchisme chez les chrétiens, comme histoire des prophètes. Il y a des fonds qui sont présents, après qui ont été modifiés dans la Bible, ou qui ont certains mensonges. Par exemple, l'histoire de Nour, alayhi salam, dans la Bible, elle est nommée avec le déluge. Justement, là, comme on dit, la Daoud et Jalout, dans la Bible, c'est cité. L'histoire de Ayoub, dans la Bible, c'est cité. L'histoire de Ibrahim, dans la Bible, elle est citée. Toutes ces choses-là sont citées. Alors, sauf qu'ils ont modifié beaucoup de choses. D'accord ? Ils ont modifié beaucoup de choses. Mais à la base, c'est que tout cela est présent. Sauf que le Coran est venu avec la vérité et a honoré, Allah Azzawajal a honoré ses messagers en disant qu'ils étaient en réalité. D'accord ? Car les chrétiens se sont mis des philosophies et ils ont adopté des doctrines se basant sur, mathalen, des soi-disant agissements des prophètes pour se pardonner leurs erreurs aujourd'hui. Par exemple, ils disaient que Nour, alayhi salam, c'était un ivrogne. Wa'azubillah. Donc aujourd'hui, quand les chrétiens ils boivent, ils se disent, mais les prophètes aussi ils buvaient. Et donne l'exemple de qui ? De Nour, soi-disant d'après eux. Car l'alcool a été interdit en islam. À main dans les communautés auparavant, on ne sait pas. D'accord ? On ne sait pas. La raison est une chose sur laquelle se base la nature saine, pour comprendre. Il serait inconcevable de voir un prophète ivre qui parle aux gens. Ce n'est pas possible. Il serait discrédité en sa da'wah, bien évidemment.